Du coup, je disais que personne ne va vous donner ça dans une formation. Vous n'allez même pas trouver ça quelque part. C'est des astuces qui sont optimisées. C'est des tests, c'est des choses qui ont marché que je juge quand même assez important. Parce que généralement, même dans une formation, une commerce, on ne met pas en fait ses expériences personnelles. On ne met pas ça dedans. On laisse en fait l'apprenant même faire ses propres expériences. Si on peut lui éviter de faire des erreurs qui vont lui perdre du temps, on le fait. Mais les expériences professionnelles, en fait, c'est vraiment personnel, c'est personnel, c'est parce que moi je peux vous dire que voici ce que moi j'ai essayé, mais vu qu'on n'a pas en fait le même niveau, vous allez faire ça et puis ça ne marchera pas. Donc faut vraiment, c'est des trucs vraiment à éviter. Donc j'ai fait un bonus, un approfondissement vraiment de chaque point avec des astuces en fait pour vous aider en fait à améliorer chaque partie en fait de la description d'un produit. Donc par rapport en fait au nom du nom du produit, on a dit vous devez. Ici, je ne vais plus vraiment énoncer en fait le principe et tout. Non, j'irai directement à l'explication, ce qu'il faut faire de façon claire et simple. Donc, même à défaut de gens d'écouter les 1 heure de podcast qui viennent de passer, si vous écoutez ceci, je pense que ça devrait vraiment vous aider et être assez suffisant quand même. Même si on ne vous dira pas, genre, tout ça de détails-là, on ne vous dira pas, genre, comment tu as fait ceci, non. Je vais vous poser des questions, genre en gros, genre ce qui est en gros et tout. Donc, le développement, en fait, c'est ça qui est en bas, ça que moi je suis en train de vous donner les astuces, en fait, pour les réussir. Donc, par rapport au nom du produit, vous devez choisir un nom simple, accrocheur, mais bon, en tout cas, tout ça, on vous a dit que c'est le nom du Amazon, genre, il faut le nom du produit que Amazon a mis, il faut rebisser tout simplement. Donc, ici, on n'a pas besoin, genre, même d'astuces. Faut copier-coller tout simplement, même. Au niveau de l'introduction, vous devez utiliser un ton engageant. Vous devez utiliser un ton engageant pour captiver immédiatement l'attention du lecteur. Point numéro 1. Ensuite, vous devez poser une question rhétorique pour pouvoir susciter l'intérêt dès le début, en fait. Vous voyez? Et pour finir, vous mettez en avant un avantage clé du produit dès l'introduction. Avantage clé. J'ai mis, bon, ici j'ai dit un seul, mais bon, je vous ai dit genre de ne pas exceller 3 limites 2. Bon, ici j'ai dit un, mais bon, prenez 2 ou 3 quand même. Donc, au niveau de l'introduction, c'est ça. Ton engageant pour captiver l'attention du lecteur. Direct. Ensuite, vous posez une question rhétorique pour pouvoir susciter en fait l'intérêt. Genre, vous posez une question, genre pour que. Genre, pour vraiment susciter genre, son intérêt, quoi. Vous voyez? Et ensuite, vous mettez en avant les avantages clés du produit. Ou bien les caractéristiques principales du produit. À ne pas confondre avec caractéristiques spécifiques du produit. Au niveau des caractéristiques clés, ce niveau vous présentez les caractéristiques dans un ordre logique, en commençant par les plus importantes. C'est vrai que je vous allais demander au brouillon genre de faire, genre de choisir les 3 les plus importantes et de les mettre dans les caractéristiques principales. Mais ici, maintenant, le reste, ce sera des caractéristiques spécifiques. Ok, mais encore dans les caractéristiques spécifiques, on peut les classer en fait par ordre de les plus importants au moins importants. Donc c'est vraiment ce travail-là qu'il faudra faire à ce niveau pour classer du plus important au moins important. Vous voyez? Donc les présenter dans un ordre logique en commençant par les plus importantes pour finir par les moins importantes. Ensuite, vous devez utiliser les puces ou une mise en forme visuelle pour rendre la liste en fait des caractéristiques faciles à lire. Ça ne sert à rien genre de charger genre les genre de mettre virgule, virgule, virgule, parce que c'est touffu en fait à lire. Vu qu'il y aura assez, parce que je vous ai dit, disons 6, limite 5, 6, c'est-à-dire beaucoup, vous voyez, et imaginez en fait ces caractéristiques là, spécifiques là sont longues, vous voyez, et vous devez mettre virgule là, genre à tout bout du champ, ça va être un peu gênant, c'est un peu difficile à lire, visuellement, c'est pas très confortable. Or, nous sommes là pour maximiser en fait nos chances de conversion du prospect en client. Vous comprenez? Et donc, vraiment, il faudra faire aussi attention à la mise en forme visuelle pour rendre la liste des caractéristiques là vraiment facile à lire. Ensuite, vous devez expliquer comment chaque caractéristique contribue à l'expérience globale du produit. On a parlé. Ça, c'est la façon dont vous allez le faire. La façon dont vous allez faire vraiment de manière succincte, de manière claire, que je suis en train de détailler ici. Point numéro 4, avantages et avantages. Ici, vous utilisez, je vous conseille ici d'utiliser en fait des histoires ou bien des scénarios pour illustrer comment en fait le produit résout un problème courant. Vous voyez, ça marche vraiment, moi, c'est ça, j'utilise et puis ça marche. Vous devez mettre Ensuite, en avant les avantages spécifiques pour les différents types d'utilisateurs. Exemple, genre pour les débutants, pour les experts, pour les personnes pressées. Lorsque en fait, vous mettez en fait, en avant les avantages pour chacune de ces personnes-là, je pense que tout être humain en fait, va se retrouver en fait, dans ces trois caractéristiques et dans ces trois repères-là. Et si pour chacun, pour chacun, genre pour chaque catégorie de personnes, vous mettez en avant les avantages là, je pense que chacun va se retrouver dedans et puis chacun va vraiment trouver pour lui, hein, il va acheter le produit, il n'y a rien à faire. Ça, c'est mon expérience, c'est ce que j'essaie, c'est ce que j'ai optimisé, c'est ce que je fais au quotidien et qui marche, que je suis en train de vous dire. Vous voyez, ce n'est pas dans la formation, ce n'est pas dans ce que je vous ai dit. Si je ne vous l'avais pas dit, personne n'y allait même penser. Vous voyez, c'est une expérience que je partage tout simplement avec vous. Donc, vous précisez, si on, pour ces différents types de personnes-là, vous mettez en avant genre, des caractéristiques spécifiques, genre une caractéristique, genre pas catégorie de personnes, tout simplement. Et maintenant, vous devez aussi, un truc qui marche bien, c'est l'utilisation des chiffres ou bien des statistiques pour renforcer quand même l'impact des avantages. Utilisation des chiffres, quel que soit le chiffre dans leur nature. Hein. Point numéro 5, l'utilisation et l'application. Vous devez fournir une instruction claire et détaillée sur la manière dont le produit s'utilise. Ensuite, vous devez inclure des astuces pour pouvoir maximiser l'efficacité ou la durabilité du produit. Astuce. Maximiser, efficacité, durabilité, produit. Et pour finir, vous ajoutez des exemples de situations réelles, en fait, où le produit peut être utile. Dans le 7e point qui est témoignage ou avis, vous devez tout simplement choisir des témoignages crédibles, vraiment, hein, crédibles et variés pour refléter différents points de vue. Et utiliser des témoignages qui mettent en évidence les avantages spécifiques du produit. Pas les avantages principaux, les avantages spécifiques. Parce que les avantages, ils sont déjà trop forts. Ça marche déjà. Ça impacte déjà. C'est les spécifiques bon, qui n'impactent pas autant que les avantages. Donc, pour se rattraper sur les spécifiques, c'est au niveau des témoignages et avis. On joue sur vraiment donner un coup de pouce en fait aux caractéristiques spécifiques. C'est au niveau de genre du témoignage ou avis. Donc, vous mettez en évidence les avantages spécifiques du produit là. Et pour finir, vous ajoutez des photos ou bien des vidéos. Si vous voulez, hein, des photos, des vidéos de clients utilisant le produit pour preuve visuelle quand même. 7e point, comparaison avec d'autres produits. Vous identifiez les points faibles du produit. Hein? Des autres concurrents ou bien des points faibles d'autres produits et vous identifiez maintenant les points forts de votre produit et puis vous mettez les deux ensemble. Genre vous découragez un peu les autres catégories de produits, vous voyez les autres produits là, genre vous un peu comme si vous le genre vous faites baisser en fait leur crédibilité en fait. Donc voilà un peu. Et vous pouvez utiliser en fait des graphiques ou bien des tableaux pour mettre en évidence les différences. Genre, la différence quoi entre genre, votre produit et d'autres produits. Voilà, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus visible et tout. Et vous soulignez pour finir les domaines où votre produit surpasse la concurrence de manière significative. Si votre produit, votre appareil a la possibilité de faire 50 photos en une seconde et que l'autre, voilà, ça prend 2 minutes avant de faire une photo, voilà, vous mettez en avant cet avantage significatif là quoi. Ensuite, le dernier bouton appel à l'action, vous devez tout simplement utiliser un langage impératif. Hein. Un langage impératif pour encourager quand même le lecteur à agir immédiatement. Et vraiment utiliser des verbes d'action comme acheter maintenant, découvrir plus ou bien commencer déjà aujourd'hui. Vous voyez, c'est des verbes vraiment d'action. Et voilà. Vous pouvez, pour votre gouverne ou bien un petit bonus, vous ajouter des incitations spéciales comme des réductions de bonus pour pouvoir encourager en fait l'engagement des prospects. Donc, voilà un peu les stratégies que moi j'utilise. Bon, c'est juste quelques stratégies, hein, genre par rapport en fait à chaque partie, des trucs optimisés que j'ai mis en place qui marchent quand même. Et donc, en fait, en les reconduisant, en les mettant aussi en pratique, en mettant en pratique ces astuces-là, je pense que pour chaque point de la description, vous allez vraiment devenir aussi des as, des gens incontournables quand même de la rédaction de fiches produits. Vous voyez, quand vous allez peut-être prendre un rédacteur web, il ne pourra pas faire ce travail. Même si vous lui dites, ah, voici ce qu'on fait, Vous lui donnez les chants tout simplement. Par exemple, quand on était dans la deuxième dimension, quand j'ai commencé, j'étais en train tout simplement genre, de donner le concept global de ce qu'il fallait faire. Lorsque vous allez leur donner ça, ils ne pourront pas faire en fait. Il faut vraiment être un initié, il faut vraiment toucher la chose pour pouvoir réussir en fait les 6. Vous voyez en quoi en fait l'auto-formation peut vous ralentir. Moi, j'ai fait l'auto-formation pendant près de 18 mois. Et je mélangeais les pédales. Je mélangeais les pédales. C'est après 18 mois de perte que j'ai commencé en fait à prendre des formations qui ne rentabilisaient pas encore. J'ai dû persévérer en fait. Pour qu'au bout de 3 ans, disons limite 4 ans, je puisse commencer en fait à rentabiliser un peu. Ce ne sera pas votre cas. Je ne suis pas en train de dire que ce sera votre cas. C'est pour ça, c'est parce que vous ne voulez pas autant tarder que vous êtes en fait ici, que vous êtes en train d'écouter en fait ce podcast. Et donc, par rapport en fait à ces différentes parties de la description là, je pense que en mettant en astuce chacun de ces points, vous pouvez vraiment créer une présentation de produits vraiment supérieure à la grande masse et tout. Et donc, voilà un peu le bonus que moi j'avais pour vous. Sans oublier que j'avais annoncé que nous allons aussi parler du style rédactionnel qui est assez important. Bon, au niveau du style rédactionnel et du temps de conjugaison, c'est pas vraiment un truc que beaucoup d'e-commerçants prennent en compte, mais ça agit fortement sur votre rentabilité. Ça agit fortement. Je sais très bien de quoi je parle. Le temps que vous utilisez pour conjuguer en fait vos verbes et le style, ça agit fortement sur vos revenus. Je sais de quoi je parle. Nous avons juste. Il y a le style rédactionnel. Faut faire attention à ça. Il y a aussi vraiment le temps de conjugaison. Par exemple, vous devez ajouter. Là, je commence par le point rédactionnel. Hein. Vous devez ajouter un élément d'intrigue ou une question rhétorique en fait dès le début. Genre, vous voyez? Dès le début de l'introduction, pour pouvoir accrocher immédiatement l'attention. Donc, qu'est-ce que vous faites par rapport au style rédactionnel? Vous variez la structure des phrases en mélangeant des phrases courtes et des phrases plus longues pour créer en fait un rythme plus dynamique et captivant. Vous avez vu comment j'ai fait l'introduction en gros? C'est exactement ça. Et pour le temps de conjugaison, tout en conservant, je pense, le temps présent en l'utilisant dans vos descriptions. Tout en conservant en fait le temps présent pour la majeure partie de la description, il faut vraiment envisager d'utiliser le passé simple pour pouvoir introduire des témoignages de clients. Passé simple, parce que les témoignages de clients, c'est des gens qui ont pris des produits avant vous. C'est des gens qui ont déjà utilisé le produit. Donc c'est le passé. C'est les avis qu'ils ont déjà émis. Vous voyez, c'est pas. Là, si tu utilises le futur, c'est no way. Ça n'a pas de sens. C'est le passé simple, en fait, il faut utiliser ici au niveau de l'avis client, par exemple. Ou bien pour les témoignages des clients. Ou même pour des éléments historiques. Donc, ça va apporter un effet un peu dramatique ou bien un effet un peu. Vraiment, genre, ça a du sens, en fait. Vous voyez? Et vous allez aussi utiliser le futur. Le futur pour projeter l'expérience future des clients en fait après l'achat du produit en mettant en avantage en, pardon en mettant en avant les avantages à venir. Un exemple, vous allez, genre vous pouvez dire lorsque vous allez acheter par exemple ce produit, vous allez gagner énormément de temps. Exemple, là vous avez parlé au futur, vous avez projeté, mais si vous parlez, mais si vous, cette phrase là vous le mettez au passé, ça n'aura du tout plus son sens en fait. Donc, dans la majeure partie de la description, vraiment c'est le temps présent, mais plus avec clients, c'est le passé et avec quelques projections dans le futur, en utilisant bien sûr le temps futur pour tout ce qui est produit en fait, ou bien, pardon, pour tout ce qui est prospection en avant, ou bien genre tout ce que vous allez dire aux clients, genre qui va prendre le produit, tout genre, ça sera vraiment dans le futur. Vous voyez, donc quand c'est comme ça, la description elle est bien naturelle et puis ça passe hyper, hyper bien. Ouais. Donc vraiment en appliquant cette suggestion-là au style rédactionnel et au temps de conjugaison, c'est des trucs qu'en fait les gens ne font pas attention. Mais vous savez, la différence entre les e-commerçants les plus rentables et les moins rentables, ou bien ceux qui ne sont du tout pas rentables, c'est dans ces petites astuces-là, dans ces petits trucs-là. Et donc, il faut se donner en fait cette discipline. C'est vrai, c'est beaucoup, c'est vraiment énormément de détails. En fait, il faut faire vraiment attention et tout. Mais c'est ça, en fait, qui va permettre de prendre de l'ascendance, en fait. Ouais, donc, en appliquant tout ça, à toute cette situation-là, vous allez vraiment renforcer l'attrait de la description en captivant davantage vos lecteurs, hein, dès le début jusqu'à la fin, en utilisant le temps de conjugaison et le style de rédaction qui est adapté de manière vraiment plus variée pour exprimer différentes nuances et le fait vraiment ressentir en fait certaines émotions, ce qui m'a vraiment fait avoir des ventes. Donc voilà, nous sommes à la fin de la dimension 3 et disons totalement à la fin de la description de nos produits. J'espère quand même que vous avez vraiment pris du plaisir à écouter, c'est passionnant tout ça. Et vraiment, c'est de l'application. Il ne faut pas dormir sur les choses. Il faut vraiment mettre en application. Et voilà. À tout à l'heure pour la suite de nos podcasts.